manipuler l'esprit afin de dominer le corps. Rien n'est plus beau que d'être à l'instant zéro. La santé mentale manipulée par le sentimental banal. Tout commence à l'instant zéro. Mais avant, le temps était-il figé? Mais depuis, le chronomètre n'en a cessé de tourner. Quand la masse aura fini de bouger, l'instant zéro réapparaîtra et tout s'arrêtera. Le compteur en aura fini de tourner. Et pourquoi ne réapparaîtra-t-il pas? Et la matière se réenflera afin de recommencer. Devrais-je avoir un revolver dans ma poche? Devrais-je m'inquiéter de vous? Pourrais-je m'assoupir un instant? Pourrais-je enfin prendre mon temps? Prendra-t-on la fuite dans les ruines de cette vie? Prendra-t-on le goût au dégoût, ivre de remords? Je surveille si l'effet se refait. Je suis à la fabrique de l'horreur, où les hommes remontent l'horreur pour être quand il faut, au moment où l'odeur, où les arbres remontent une fleur, elle en nous présente. Ces jolis mercenaires, trafiquants d'armes, ouvrages d'intentionnaires, et la blancheur de la poudre nous aime. Un dernier coup de fil à vous. Passer la frontière sans nous paraître aucun. La dernière religion sommes nous le contraire de la matière. Devrais-je cracher tout ce que je n'ai pas mangé, te présenter en ton absence ta présence refait le contraire de perdu que j'étais. Le processus m'a demandé à se relancer. Le système s'est mis en veille. Oh, je ne suis plus l'ami. Le royaume laissé ne veut plus de moi. Je suis trop gâté. Je vais ce système qui m'est imposé. Pourquoi il y a un moment que c'était refusé? Pourquoi la neige tombe et qu'il fait plus froid que le pôle Nord fond? Le pôle Sud n'en parle pas, je ne comprends plus rien. Et Dieu, expliquez-moi, devrais-je voir une évolution dans ton pardon? Pourrais-je comprendre le pire dans la dévotion? Et pourquoi, peu à peu, les armées nous repèrent? Comprendrais-je enfin le rien? Je dois être mort comme je n'ai pas d'amour. Où sont-ils? Y a les cœurs, je ne vois que les contours. Peut-être que je reviendrai l'avant des souvenirs. Mais vous, mesdames, je ne veux pas vous salir. Sauver tes appels au secours. Faudrait pas que tu sois de pour être. souvenirs. Il n'y a pas de mystère dans un monde éphémère. Priez-vous mon frère, tombé sous les guerres. Priez-vous vos sœurs, excisez pour la peur. Priez simplement pour le monde à présent. Priez s'il n'y a plus rien à faire. Priez pour ravager. Ma prison.